C'est mon paradis sur terre. Si on vit dans la chaîne, je suis un lion. J'ai côtoyé Lucifer. Le dé m'a dit de rester bresson. Toi je te connais pas, me tends pas la main. La mafia vient chez toi, t'es un italien. J'ai une très grande famille, mais je suis pas l'aîné. La hagarde nous connaît, on est mal aimé. Je vais me bâtir mon empire en les punissant. Je vais leur faire que du sale même en vieillissant. Je me donne pas à fond, pourtant je devrais. Mon grand frère m'a dit Graya c'est ton année. Quand il s'agit de son, on est sans limite. Il nous faut le million, alors fais le vite. Je suis un mauvais garçon, j'ai le regard vide. Mes amis sont partis et j'ai fait le vide. Putain. Si tu veux me faire, ne me tire pas dans les jambes. Vise-moi la tête pleine. On est de la street, on tue, on fait partie des légendes. Salvatore Conte. Si tu veux me faire, ne me tire pas dans les jambes. Vise-moi la tête pleine. On est de la street, on tue, on fait partie des légendes. Salvatore Conte. J'ai pas dormi de la nuit. Dans ma cité, c'est le hell. J'ai que des frères, pas d'amis. Faut le million pour la maman. La rue m'a collé comme un aimant. Et dans ma tête, c'est le néant. Polidar, manger le démon. J'roule comme un fou dans ma ville en fac zénon. Dinero, dinero, tu veux faire l'oseille. Investis dans du bello. J'l'ai connu hier, elle a vu mon oseille. Elle m'a dit t'es quiero. J'les vois faire les hommes devant deux, trois cochons. Ils ont même pas un euro. On a connu la galère, la richesse, la guerre. Pas la paix dans mon ghetto. La vie des bandits me rend fou, ils sont venus chez moi, j'étais pas là. Les larmes font les armes, entends-toi, au coup de grâce, elle va pleurer ta maman. La vie des bandits me rend fou, ils sont venus chez moi, j'étais pas là. Les larmes font les armes, entends-toi, au coup de grâce, elle va pleurer ta maman. Si tu veux me faire, ne me tire pas dans les jambes. Vise-moi la tête pleine. On est de la street, on tue, on fait partie des légendes. Salvatore Conte. Si tu veux me faire, ne me tire pas dans les jambes. Vise-moi la tête pédée. On met la street en tue, on fait partie des légendes. Salvatore Conte.